نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله مواصلين دراسة كتاب سماحة الشيخ العلامة شيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، المورد العدب الزلال، ووصلنا إلى الباب السابع الذي عنون له حفظه الله تعالى أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. وفي هذا الباب جعل حفظه الله تعالى فيه فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، وهنا وصلنا. Donc nous sommes toujours, nous continuons notre étude, c'est notre 14e rencontre autour de l'étude de ce livre de son éminence Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala. Nous sommes dans le chapitre 7, dont le titre c'est l'Hizbiya ne fait pas partie de la voie. Le fait de se constituer en parti et d'être sectaire pour les idées de ce parti ne fait pas partie de la voie des messagers alayhim salatu salam, et que ceci est une innovation. Hafidhahullah ta'ala, il a ouvert un chapitre à l'intérieur de ce grand titre, dans ce titre il dit les preuves de la sunna, comme quoi il est interdit de tomber dans la divergence, et comme quoi le fait d'être tombé dans la divergence est blâmable. Wa saradana hafidhahullah ta'ala adillatan ta'muru بعدم الاختلاف وتذم الاختلاف، ووقفنا عند الدليل الذي أتى به الشيخ هنا، يقول حفظه الله تعالى وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل درجة بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي هي التي تحلق الدين، كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا. هناك ذلك ici encore une fois الشيخ de nous citer un autre hadith qui nous montre le danger du fait d'être en divergence. Il nous rapporte ce hadith, rapporté par l'imam Tirmidhi, par Abu Daoud, par l'imam Ahmad ibn Hibban, et ibn Hibban dans son authentique. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous voulez que je vous annonce un degré mieux que le fait de jeûner, de prier, de donner de l'aumône? Lui ont dit, certes, ya Rasoulallah, nous voulons nous savoir. Il a dit, réconcilier les gens. Réconcilier ceux qui sont en différent. Hein? Car le fait que les gens soient en différence, ceci, c'est celle qui rase. L'expression ici, celle qui rase, l'haliqa. Mais ici, celle qui rase la religion. Parce que le fait d'être en divergence et en dispute, etc., ça peut amener jusqu'à s'éloigner de la religion. Comme il est cité dans l'autre hadith que Cheikh va nous citer. Donc encore une fois, on est encore dans les hadiths qui nous parlent et qui nous montrent le danger du fait d'être en divergence et de rentrer dans les divergences. ويقول حفظه الله تعالى: وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، افشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغض فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وخرجه الإمام أحمد كذلك، والترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. Donc ici, Cheikh, de nous citer encore un autre hadith pour attirer notre attention sur la divergence, et comme quoi il est blâmé, que ça amène vers le mal. Il dit que Imam Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, il rapporte d'Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui, il fait le serment par Allah azza wa jal, il dit par Allah, vous n'allez pas rentrer au paradis jusqu'à ce que vous soyez muslim. Et vous n'allez pas être muslim jusqu'à ce que vous aimiez. Et propagez, dites salam entre vous, propagez salam entre vous. Hein? Vous allez vous aimer. Alhamdulillah. Et faites attention à la haine. Car c'est elle qui rase. C'est elle qui rase. Et il dit, alayhi salatu salam, je ne dis pas qu'il rase les cheveux, mais il rase la religion. Il rase la religion. Donc la haine qui amène à la divergence. La haine, hein. Donc Rasoul Salah nous incite à, au fait d'entretenir la fraternité, hein, et de créer un lien de fraternité entre nous. Et ceci se fait avec quoi? Le fait de propager salam. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب مرض يأتي من عضة الكلب، والكلب خطير جدا ينتشر في جميع الجسم. Et il nous rapporte de Muawiya ce hadith rapporté dans Silsila Sahiha, dans Sahih al-Jami'. Dans Sahih al-Jami', il est aussi dans Silsila Sahiha. Il nous dit de Muawiya radiallahu anhu, qui l'attribue directement au prophète alayhi salatu wassalam, il dit: ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. 72 en enfer, une au paradis. C'est le groupe, le jama'a. Comment comprendre le groupe? Il y a une autre version, celle qu'on a vue hier. Ceux qui, comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer ce terme jama'a, ceux qui sont sur la même voie que moi et mes compagnons. Hada l'explication de le jama'a. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, le jama'a, toi seul si tu es sur la vérité. Une seule personne si elle est sur la vérité, c'est le jama'a, comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud. Et dans le hadith, il continue de nous dire, il va sortir de cette communauté des gens dont les passions vont les entraîner partout, à gauche, à droite, partout. Comme la rage fait de celui qui a la rage. Il part dans tous les sens. La rage qui atteint un chien, tu vois le chien, il court dans tous les sens. Mais quand il mord un être humain, ben la rage va se propager dans le sang dans tout le corps de l'être humain. Il va courir dans tous les sens. Il ne laissera pas une veine sans qu'il y soit rentré. Il ne laissera pas un membre sans qu'il y soit atteint par la rage. Hein? Donc il a, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il va y avoir des gens dont les passions les prennent partout, dans leur esprit, dans leurs croyances, partout, dans les actes qu'ils font et tout ça, ils sont guidés, téléguidés par leurs passions. Fa'l-hawa, ba'dun nas, قد ملأ الهوى حسه تشعر أن هذا الإنسان صاحب هوى محكم مشحون بالهوى، يحارب السنة ويحارب التوحيد، يحارب أهل السنة ولا يمل ولا يكل. تقول له الدليل كذا وكذا ما يفهم وما يستجيب، نعوذ بالله من الخذلان. تتجارى به الأهواء، يعني تجري بهم الأهواء في دماهم وعروقهم ومفاصلهم، كما يجري هذا الداء العضال الكلب بصاحبه. Donc les passions, il y a des gens, ils sont remplis de passions. Ils sont téléguidés par leurs passions, ils sont dirigés par leurs passions. Ils sont que cet être humain, il est plein, il est rempli de passions. Et ce sont les passions qui le guident. Il combat la sunna, il combat le monothéisme, il combat les gens de la sunna. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Tu lui dis la preuve, dis ceci. Il ne comprend pas. Ou là, il ne veut pas comprendre. Il ne répond pas à l'appel de la sunna. Donc, celui-là, les passions le guident. Il l'emmène à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Ça veut dire que les passions l'ont atteint dans tout. Dans son esprit, les passions courent dans ses veines. Comme cette maladie, cette grave maladie qui est la rage, hein, court dans les veines de celui qui a été... qui a eu cette maladie, qui a été mordu par un chien, qui a reçu cette maladie. Il y a un amour. Tu te sens à la... بعض الناس يقول هذا الحديث الذي أنتم تدندنون حوله هو حديث افتراق الأمة يطعنون في هذا الحديث ورموز الحركات الإسلامية الآن يطعنون في هذا الحديث ويقولون أنه حديث يفرق الأمة ولا يدري هؤلاء المساكين أنهم هم الذين يفرقون الأمة بمبادئهم ومناهجهم المبتدعة المخالفة للكتاب والسنة المختلفة على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. والذي يضرهم في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم فرقة واحدة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم جماعة واحدة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وطبعا هذا يخالف هواهم ومبادئ منظرهم، فلذا هم يحاولون جهدهم الطعن في هذا الحديث. والحديث ولله الحمد والمنة صرح جمهرة أهل العلم بإثبات هذا اللفظ النبوي الشريف تصحيحا أو تحسينا، واحتجوا به في مصنفاتهم. ومن هؤلاء الجهابدة الفحول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 345، وابن القيم الجوزية في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني الصفحة 410، والشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول الصفحة 189، والحافظ العراقي في المغني عن حمل الأصفار الجزء الثالث صفحة 199، ومحدث العصر العلامة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير. دونك سو حديث كي لو حديث دو لا ديفيزيون دو لا كومينوتي. Les groupes qui existent sur le terrain maintenant, et surtout leurs emblèmes et leurs leaders, critiquent ce hadith. Pourquoi ces activistes et ces militants de partis et de groupes islamiques critiquent ce hadith? Ils disent que ce hadith divise la communauté. Ils ne savent pas, les pauvres, que c'est eux qui divisent la communauté, avec leurs principes et leurs voies qui sont innovées, qui sont des voies et des principes innovés, et qui sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète et la compréhension du plus aïeul. Mais qu'est-ce qui les dérange dans ce hadith? Il y a une phrase qui les dérange. Cette phrase qui désigne la faction sauvée ou la faction victorieuse. Sauvée ou victorieuse, c'est un nom pour la même chose. C'est un seul groupe. C'est pas 50 000 groupes ou deux groupes, c'est un seul. Mansoura ou Najia, c'est le même. Cette phrase qui les dérange, c'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Il est évident que cette phrase les dérange. Pourquoi? Parce que cette phrase est en divergence avec leurs principes et les fondements de leur groupe et leur idéologie et les théories qu'ont instauré leurs théoriciens. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas, ils essayent par tous les moyens de critiquer ce hadith, et de dire que ce hadith est faux. Mais la louange à Allah Azza wa Jal, une grande majorité des hommes de science ont validé ce hadith. Que ce soit en le prenant comme authentique ou là comme Hassan. Et ils l'ont pris comme preuve dans leurs livres. Et parmi, je ne cite que parmi les grands. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le rapport d'Anjmou' al-Fatawa, le troisième tome, page 345. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala, le tome 2, page 410. Shatibi, dans son livre l'I'tisam, tome 1, page 189. Al-Hafid al-Iraqi, dans le Mughni, Anhamni al-Asfar, tome 3, page 199. Le Muhaddid de notre siècle, et le lion de la Sunna, Cheikh Nasser rahmatullah alayh, dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Et ça suffit. Hada, ce sont, les montagnes de science. Et laisse tous les autres qui ont authentifié ce hadith, qui l'ont accepté, qui l'ont mis dans leur livre, etc. وروى أبو داود مثل حديث معاوية حديث أبي هريرة في الافتراق افترقت اليهود إلى 72 فرقة إلى آخره ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال الألباني في الصحيح قلت وفيه نظر فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم وإنما روى له متابعة وهو حسن الحديث أما قول الكوثري أن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطاته il a été rapporté aussi par الحاكم الحاكم a dit ce hadith est authentique selon d'abord Il a été rapporté par Abu Daoud le même hadith que le hadith de Muawiyah, mais cette fois-ci d'Abu Huraira. Dans cette communauté, les juifs se sont divisés en 72, etc., etc. Et le Hakim l'a rapporté aussi. Le Hakim a dit, ce hadith est sahih selon les conditions du muslim. Et ils ne l'ont pas sorti, c'est-à-dire que l'imam muslim et le Bukhari ne l'ont pas cité. Et Dahabi est d'accord avec eux. L'Albani dans Sahiha a dit le fait en critiquant cette parole du Hakim, il a dit il y a à revoir, il y a quelque chose à revoir dans ça, parce que Mohammed ibn Amr, l'imam muslim ne l'a pas pris comme preuve, mais il lui a pris d'autres hadiths comme suivi, comme témoignage pour mais هذا محمد بن عمرو سي كيلكان كي بون حديث c'est-à-dire son hadith il est accepté et il t'attire l'attention sur un truc très important mais quand le Kawthari dit que محمد بن عمرو on le prend pas comme preuve si on cite pas d'autres hadiths qui vont renforcer sa parole Cheikh Nasser il dit ça de la part du Kawthari c'est induire les gens en erreur c'est مغالطه C'est pas tomber dans l'erreur, c'est induire en erreur. Il y a une grande différence entre le fait de tomber en erreur et le fait d'induire en erreur. Quand on induit en erreur, c'est qu'on sait. فانظر الآن هذا الصنيع من إمام السنة وأسدها العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه لم يقل أغلاطه ولكن قال من مغالطاته وفرق كبير بين الغلط والمغالطة الغلط يكون من غير قصد المغالطة تكون بقصد والكوتري كما يقول أهل العلم يزور ويغير في الحقائق العلمية بقصد فهو متعصب ومعرض وصاحب مرض وهوى فهو يغالط الكوتري عنده علم ومعرفة بالحديث لكنه يغالط فيه ويغير قواعده لنصرة ما عليه من الباطل نسأل الله الثبات على الحق Maintenant, écoute cette parole d'Abu Malik, rahmatullah, hafidhahullah ta'ala, il dit, regarde maintenant ce qu'a fait l'imam al-Albani, rahmatullah, l'imam de la Sunna. Il a pas, qu'on s'agit, en critiquant la parole d'Yal Kawthari, il a pas dit l'erreur d'Yal Kawthari. Mais il a dit mughalatatu, le fait d'induire en erreur. Il n'a pas dit l'erreur, il a dit induire en erreur. Il y a une grande différence entre le fait de tomber dans une erreur et le fait d'induire en erreur. Le fait de tomber dans une erreur, tu le fais sans le vouloir. Hein? C'est pas ton but. Mais le mughalata, induire en erreur, tu le veux et tu le cherches. Et c'est ton but. Hein? Et le kautari, comme disent les hommes de science, falsifie et change les réalités scientifiques pour un but bien précis. Parce qu'il est sectaire et parce que, dit Cheikh Abou Malik, il a une maladie, il a des passions. Donc, il induit en erreur. Et le kautari, il a de la science et il connaît bien les hadiths. Il a une grande science dans le hadith et dans la science du hadith. Mais il induit en erreur dans les règles. Et il change les règles du hadith pour faire triompher la voie nulle sur laquelle il est, lui et ceux qui le suivent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال من مغالطته فالكوتري ما يخفى عليه مثل هذا ولكنه يغالط كما يعرف ذلك عن أهل العلم. Donc, Cheikh Nasser, rahmatullah, elle a dit ça, de la part de le Kautari, c'est induire en erreur. Car le Kautari, ce genre de règles et ce genre de science, ça lui échappe pas. Il est en connaissance, mais il induit en erreur. Comme tous les hommes de science savent que le Kautari, il a de la science et il induit en erreur. قال في عون المعبود يقول الشيخ يحيى قال في عون المعبود قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المدمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخبر الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. Et ici, le cheikh de nous rapporter une parole qui est dans Aoul al-Ma'boud, qui est l'interprétation d'Yal Tirmidhi. Là, Aoul al-Ma'boud qui est l'interprétation d'Yal Shah Sunan Abi Daoud. Il dit, notre cheikh, a dit, c'est-à-dire celui qui a fait l'interprétation d'Yal Tirmidhi, il dit notre cheikh a écrit un livre complet. Son cheikh c'est qu'il imam Abu al-Mansour Abd al-Qahar ibn Tahir Tamimi dans l'interprétation de ce hadith de la division de la communauté. Il a écrit un livre complet. Et il a dit dans ce livre ceux qui dessertent, ceux qui font, qui ont des exposés, etc., savent que le prophète alayhi salam, et ceux qui écrivent savent que le prophète alayhi salam, quand il a blâmé les groupes, il ne voulait pas blâmer les différences qu'il peut y avoir dans les chapitres de la jurisprudence au niveau du halal, au niveau du haram. Mais ce qu'il a voulu blâmer, et ce qui est voulu avec le hadith du blâme, ce qui est en divergence avec la vérité, les fondements du monothéisme, le fait de confirmer le bien ou le mal, les conditions de la prophétie et du message, l'alliance avec les compagnons et ce qui est arrivé et tout ce qui a rapport avec ce chapitre. Donc, le hadith, il concerne le fait d'être divisé dans la religion, mais il ne concerne pas les divergences qu'il peut y avoir dans la jurisprudence. Là où il y a la place, comme on l'a vu hier, là où il y a la place à l'effort d'interprétation, l'homme de science, qui a les outils pour faire, il peut avoir un avis d'un côté, et de l'autre côté, un autre homme de science, du même gabarit que lui, et du même poids que lui dans la science, va avoir un autre avis. Et ceci est tout à fait normal. Fal-Bariha, takallamna shay'an ma'an qadiyat l'ikhtilaf, wajadtu kalimatan l'Cheikh Bazmoun. ويقول ومن العبارات الموهمة قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. الشيخ بازمول dans une rissala il dit Parmi la risala, le titre c'est les expressions qui portent illusion, qui peuvent induire dans une allusion. Il dit, quand ils disent, il n'y a pas de blâme dans les sujets de la divergence, donc ça concerne notre sujet. Il dit, هذه عبارة يتوهم بعضهم أن المراد بها أي مسألة فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها. وعليه فلا يجوز إنكار المنكر إلا إذا كان مجمعا عليه. Il dit ça, cette expression, ces certains donnent cette idée. Ils veulent par cette expression, il n'y a pas de blâme dans le sujet de la divergence, que tout sujet dans lequel il y a une divergence, il ne faut pas blâmer les autres qui sont en divergence. Il dit ceci n'est pas permis. Hein? Il dit il ne voit le blâme que si la situation elle est unanime, c'est là où il faut blâmer. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dit هذا الفهم خطأ. Il dit cette compréhension c'est une erreur. Il a dit ça ويلزم عليه أن يغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أكثر مسائل الشرع فيها خلاف بين العلماء. Il dit cela implique que la porte du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal il soit fermée. Hein? Car beaucoup de sujets dans la législation il y a une divergence entre les hommes de science. Hein? والصحيح يقول الشيخ أن مراد أهل العلم بهذه العبارة لا إنكار في مسائل الخلاف أن المسائل التي لم يظهر فيها دليل يجب المصير إليه فلا يشدد في الإنكار ولا يعنف في الإنكار فيها. Il dit la parole avenante à ce sujet-là. Comment il faut prendre cette phrase? Ce que veulent dire les hommes de science avec cette expression, il n'y a pas de blâme dans le sujet de la divergence, que les sujets dans lesquels il n'y a pas une preuve irréfutable, hein, vers laquelle il faut tourner, ces sujets-là où il n'y a pas de preuve irréfutable, donc là il n'y a pas de blâme. Un homme de science peut faire un effort d'interprétation, il peut être proche de la vérité ou comme il peut être loin. S'il n'y a pas de preuve vers laquelle, à laquelle il faut se cramponner. Donc c'est ce que veulent dire les hommes de science par là, inkar fi masail khilaf, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de réprimande au niveau du sujet de la divergence. Dit ça, sa base c'est que les sujets de la divergence sont de deux sortes. النوع الأول مسائل خلافية ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه فهنا لا بد من الأخذ بالدليل وطرح القول المخالف له ومن اتبع القول الذي قام الدليل على خلافه فإنه ينكر عليه. Il dit la première catégorie c'est des sujets dans lesquels il y a une divergence mais dans laquelle la preuve elle est claire. Il dit ici il faut prendre la preuve. Il faut s'orienter vers la preuve. Il faut se cramponner à la preuve. Et la parole qui est contraire à la preuve, il faut la jeter contre le mur. Et celui qui suit la parole sur laquelle il n'y a pas la preuve, celui-là, il faut le blâmer. Il faut montrer qu'il est dans l'erreur. Et si tu peux rentrer les groupes. Les groupes sont en divergence avec la sunna. Sont en divergence avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Avec la voix du puiseur d'Allah alayhim. C'est très clair. La preuve dit ceci. Et vous, vous dites cela. Vers quoi on va se diviser? On ne va pas vous approuver dans cette divergence avec le livre et avec l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et la voix du puiseur d'Allah alayhim. Et tous les groupes qui ne suivent pas la voix de leur puiseur d'Allah alayhim rentrent dans cette catégorie-là, qu'il faut blâmer. النوع الثاني مسائل خلافية لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه فهي مسألة تتجاذبها الأدلة وتتنازعها الأنظار فهذه مسألة اجتهادية لا إنكار ولا تعريف فيها على المخالف إنما يناصح في معرفة القول الراجح وهذا النوع الثاني هو المقصود في هذه العبارة التي يفهمها بعض الناس على إطلاقها. إلى deuxième catégorie dans le sujet de la divergence إلى le sujet où il y a la preuve n'est pas claire. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve vers laquelle il faut s'orienter. Les preuves qu'il y a tirent d'un côté comme de l'autre. Nous avons vu l'exemple avec quoi? avec Cheikh Ibn Baz et Cheikh l'Albani. Hein? Au niveau de mettre la main sur la droite après, Roku'. Hein? Là, les preuves tirent d'un côté comme de l'autre. Hein? Et donc ça, c'est un sujet de où la porte est ouverte à l'interprétation des hommes de science. Donc il n'y a pas à blâmer les uns ou les autres ou à aller le prendre en adversaire. Hein? Mais on conseille pour arriver à la parole la plus avenante et la plus proche de la preuve. C'est tout. Il faut qu'il y ait le conseil des deux côtés pour amener les personnes vers où? Vers la parole la plus avenante et la plus proche de la preuve. Et cette catégorie-là, c'est ce qui est voulu par cette expression. L'expression « il n'y a pas de blâme » dans le sujet de la divergence, c'est cette catégorie-là qui est voulu avec. Cette catégorie où il y a la place à l'effort d'interprétation, où les hommes de science ont une largesse dans l'interprétation. Et j'espère qu'Inch'Allah, avec ces paroles d'Yel Cheikh Bazmoun, que le sujet de la divergence est devenu clair maintenant. Ah, pour ne pas se faire avoir à chaque fois par une parole ambiguë d'un homme qui veut nous jeter des ambiguïtés à tort et à travers. Fa hada hadith al-iftiraq, iftiraq al-umam. Fa hada al-iftiraq madmoum. Wa la yadkhulu fi qadiyat la inkara fi masail al-khilaf. Fa huwa khilaf madmoum. يجب أن ينكر. وهذا الافتراق قدره الله وقضاه كونا فهو من حيث القدر سيقع ووقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الشرع مذموم. هذا أولا. وثانيا مراد النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق في وصول الدين في العقيدة وليس الافتراق في الفقه. هذا ليس كالاختلاف بين أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وغيرهم في مسائل فقهية. تنبه لهذا بارك الله فيك. الاختلاف بين الفقهاء سائغ في المسائل الاجتهادية التي لا دليل واضح فيها، والصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعنف بعضهم على بعض، لكن المراد هنا الاختلاف في العقيدة. ومن هنا تعلم كما يقول الشيخ أبو مالك أن كلمة محمد الغزالي السقة هذا المعاصر الذي توفي رحمه الله عندما قال الخلاف بين السنة والشيعة كالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي. الآن يسأل الشيخ هل هذه من أغلاطه أم من مغالطاته؟ الله تعالى أعلم. هل هي من أغلاطه أم من مغالطاته؟ الله تعالى أعلم. دونك le hadith qui est avec nous, qui est le hadith de la division de la, de communautés, c'est un hadith. Cette division, elle est blâmée. Cette division ne rentre pas dans cette phrase. Il n'y a pas de blâme dans la divergence. Cette division, elle est blâmée par la parole d'Allah Azza wa Jal et par l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau du destin, de l'existence, il a voulu que cette division existe. Et il a existé comme le veut Allah Azza wa Jal. Et comme l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais au niveau de la législation, il est blâmé. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette division. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire la parole du prophète alayhi sallam dans la division de la communauté? C'est-à-dire la division dans les fondements de la religion, dans l'aqida. Et nous avons vu hier, et nous avons cité des exemples flagrants. Comme quoi il y a une grande divergence dans l'aqida, avec les paroles d'Yel Jahmiya, nous avons cité les paroles d'Yel Sayyid Qutb, qui vont de pair avec l'aqida d'Yel Jahmiya et d'Yel Mu'tazila. Et nous avons vu aussi, vis-à-vis des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il khawarij, avec ceux qui tombent dans les péchés capitaux, et ainsi de suite. Et ceci, le fait d'être divisé dans les fondements de la religion et dans l'aqida, ceci n'est pas la même chose que d'avoir des différences dans la jurisprudence. Là où il y a la place à l'effort d'interprétation, là où il n'y a pas la preuve, ce n'est pas la même chose. Et le fait d'être divisé dans les fondements de la religion et dans l'aqida, ce n'est pas les divergences. Ça ne correspond pas aux divergences qu'il y avait entre l'imam Ahmed, ou la Shafi'i, ou la Abu Hanifa, ou la Malik, ou la Al-Awza'i, et les grands imams de cette communauté. Hein? Cette divergence qu'il y a eu entre ces imams, c'est par rapport aux preuves qu'ils ont, et par rapport aussi à des sujets, ils n'ont pas eu de preuves très convaincantes, ou là très claires, donc ils ont fait des efforts d'interprétation qui les ont amenés à la position qu'ils ont pris. Et ceci est arrivé aux compagnons du prophète alayhi salatu wasalam sur certains actes de la jurisprudence, ils ont eu des divergences, et les uns n'ont pas blâmé les autres. Ils sont restés des frères, on Allah Azza wa Jal est uni. Mais ici, ce qui est voulu dans le hadith, c'est la divergence dans le dogme et dans les fondements de la religion, comme on l'a vu hier. Hein? D'où là, tu sais, nous cite Cheikh Abu Malik, Hafidhahullah Ta'ala, que la parole de Muhammad al-Ghazali al-Saqqa, quand il a dit que la divergence qu'il y a entre les hommes de la Sunna et Shia, c'est comme la divergence qu'il y a entre Abi Hanifa ou Shafi'i. Maintenant, Cheikh, il nous pose la question. Est-ce que ça fait partie des erreurs de Muhammad al-Ghazali, ou là ça fait partie du fait d'induire en erreur? Et Cheikh de nous dire, Allah, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Hein? Parce que quelqu'un comme Muhammad al-Ghazali sait très bien la différence qu'il y a entre Shia et Sunna. Et que, hein, ça ne va pas lui échapper comme quoi, hein, la divergence est énorme entre les gens de la Sunna, et ce n'est pas la même divergence qu'il y a entre Abi Hanifa ou Shafi'i. Comment on peut comparer la divergence qu'il y a eu entre l'imam Shafi'i et l'imam Abi Hanifa à la divergence qu'il y a entre les hommes de la Sunna et les Shia? Hein? Quand on sait la voie sur laquelle ils sont Shia. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فصل ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضع كثيرة من كتابه ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها في أحاديث كثيرة منها ما كتب هنا ومنها ما لم يكتب وما توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا من ذم التفرق والحزبية هو ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين وإلى القارئ نبذة عنهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم ستكلفون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إيه؟ Dans ce paragraphe ici, Cheikh Yahya, Hafidhahullah Ta'ala, commence à nous montrer qu'il dit, il nous apparaît clairement maintenant que le Hizbiya, c'est une innovation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de le Hizbiya, il l'a parlé dans un contexte blâmable, ou la blâmant, dans beaucoup de chapitres dans son livre. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit, a averti, dans maintes hadiths, il y a certains hadiths du Cheikh qui ont été cités ici, écrits ici dans ce livre. Il y a d'autres que nous n'avons pas cités. Mais ils existent dans les livres de la Sunna et dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et aussi la voie sur laquelle étaient nos plus heureux d'Allah alayhim. Montre comme quoi le Hizbiya est quelque chose de blâmable dans cette religion. Et ceux qui les ont suivis à la perfection, leurs successeurs, nous ont montré comme quoi le Hizbiya est blâmable. Est une innovation. Et les grands imams de cette communauté ont fait de même, radiyallahu ta'ala anhu marda. Et ici, Cheikh de nous citer certaines paroles des compagnons. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, quand il a pris la khilafa après le prophète, alayhi salatu wasalam, il leur a dit, certes, je suis quelqu'un comme vous. Je ne sais pas si vous allez me faire supporter ce que pouvait le prophète, alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala a élu Muhammad alayhi salatu wassalam. Hein? Sur les deux mondes. Le monde d'El Jinn ou d'El Ins. Et il l'a épargné de l'erreur. Si je vais dans la droiture, suivez-moi qui parle. Abu Bakr. Il dit, si je suis dans la droiture, suivez-moi. Mais si je vais à gauche ou là à droite, remettez-moi sur les rails. Maintenant. Non, maintenant. Maintenant, tu entends. Cheikh a dit, Hassan ibn Nadi, on gobe. Sayyid Qutb a dit, c'est fini. Ilyas a dit, il ne peut pas se tromper. Les imams, les 12 imams, Cheikh Rafida, ils ne peuvent pas se tromper, ils sont mieux que les prophètes et les anges. Mais regardez le véridique de l'humanité après les prophètes, alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'il dit? Si je dis vie, remettez-moi sur les rails. Et Allah, qu'est-ce qu'on va dire? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire leur chemin et leur compréhension et leur croyance. Et Abdullah ibn Mas'ud, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les compagnons du prophète alayhi salam, et ils suivaient. Ils n'innovaient pas. Car la situation est bouclée pour vous. Vous n'avez qu'à suivre. Vous n'avez rien à rajouter. Vous n'avez rien à vous imposer, quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à suivre. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يا الله. عبد الله بن عمر de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Toute innovation est un égarement. Même si les gens voient que c'est quelque chose de bon. Si le repère, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas ce que disent les gens. Ce n'est pas l'opinion des gens. Ce n'est pas la pensée des gens. Le repère, c'est la législation. C'est la voie sur laquelle était Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons aussi qui le suivent à la perfection. De là, vous voyez là, comment ils sont insensés. Hein, ou là, cet homme insensé dans le sud qui se lève et qui dit, et qui se fait le sermon par Allah, trois fois, dans une mosquée devant une grande assemblée. Par Allah, par Allah, par Allah. Hada, c'est l'émir d'Yala, Tibrir en France. Il dit trois fois, par Allah, si un acte n'est pas bon, si un acte est bon, et même si le prophète ne l'a pas fait, on le fait. Subhanallah. Regarde la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Cet homme, par rapport à la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il est où? Cet homme, par rapport à cette parole d'Abdullah ibn Omar, il est où? Cet homme, par rapport à la position d'Abu Bakr Siddiq, il est où? Hein? Ça, c'est la divergence qu'il faut blâmer, qu'il faut rejeter. وقال عبد الله بن مسعود أيضا للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل قال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا ويحكم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قال والله يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه أبدا كم من مريد للخير لم يصيبه ولن يصيبه أبدا لأنه إذا لم يوافق الشرع ولم يسير على طريق الشرع فكيف يوافق الحق. Et écoutez maintenant cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a dit à ces gens qui se sont constitués en groupe, hein, en cercle, un cercle par là, un cercle là-bas, un cercle là-bas, avec des tas de pierres au milieu, avec un maestro au milieu. Le maestro, il dit à cela, dites Allahu Akbar 100 fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ben, les ancêtres de ceux qui savent plus quoi dire, ho, ho, ho, qui arrivent à ho, ho, tu sais plus s'ils aboient ou s'ils disent quelque chose. Leurs ancêtres, c'est qui? Ils sont apparus à l'époque d'Abdullah. Bien sûr. 100 fois, dites la ilaha illallah. Hadou, ils disent la ilaha illallah. Et l'autre, ils calculent avec les hala. Et quand Abdullah ibn Mas'ud, il leur a dit, quand il les a vu, il a dit, comptabilisez vos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous liser. Vous allez avoir votre compte. Et même vos bonnes œuvres, vous n'allez pas être lésés pour vos bonnes œuvres. Hein? Il aura dit malheur à vos communautés de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous accourez en vitesse vers votre perte. Voici les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam sont, existent parmi vous. Abdullah ibn Mas'ud, il était Al-Kufa. Hein? Il était l'émir d'Al-Kufa de Omar ibn Al-Khattab radiallahu anhu. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait encore beaucoup de compagnons. Et il leur dit, voici les vêtements du prophète, alayhi salam, ils sont pas encore usés. Ça veut dire qu'ils sont proches de la source. Et c'est les ustensiles du prophète alayhi salam ne sont pas encore cassés. Il dit par Allah, soit vous êtes sur une voie mieux que Mohammed alayhi salam, et ceci est impossible, soit vous ouvrez une porte de l'égarement, et c'est ce qui s'est passé. Hein? Parce que le rapporteur de ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces gens-là qui étaient dans les cercles, ont pris tous, la majorité de ces gens-là ont pris tous les armes contre Ali radiallahu anhu. Regardez d'où ça a commencé. Ça a commencé avec quoi? Une petite innovation. Après, ils ont fait couler le sang des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont pris les armes contre Ali radiallahu ta'ala anhu wa Allah. Et, hein? Il a dit par Allah. Ils ont dit par Allah. Ya Aba Abdurrahman, nous parlons à Abdullah ibn Mas'ud. Nous ne voulons que le bien. Il a dit combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. La même chose. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Ils veulent que le bien. On veut que le bien. Il te dit, l'intention est bonne. Ya akhi, l'intention, nous, on regarde. Il ne nous est pas permis de regarder l'intention. Il ne nous est pas donné de regarder l'intention. On regarde que l'acte. Est-ce que l'acte correspond là et correspond pas? L'intention, c'est entre toi et Allah. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Mais l'apparence de l'acte, est-ce que cet acte, il est dans la sunna et ou pas? C'est tout. Hada qui importe. Hein? Et tu les entends. Ils ne veulent que le bien. Ils ne veulent que le bien. On ne dit pas le contraire à l'islam. Mais combien de gens veulent le bien? Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du bien. Faut très attention à ça aussi. فبعدما انتهى حفظه الله تعالى من فصول حول العقيدة والتوحيد أتى بالأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه وبدأ يسوق فصولا أولها في بيان الحزبية أن الحزبية بدعة. Donc regarde maintenant ce bel enchaînement du Cheikh Ahmed Najmi. Il t'a mis 10 chapitres dans l'aqida et dans le monothéisme. Et après, il a commencé à nous ramener des preuves comme quoi la divergence est interdite dans les fondements de la religion et qu'il est blâmable. Et après, il nous commence à nous donner des chapitres comme quoi le Hizbiya nous éclairait, comme quoi le fait de se constituer en parti et d'être sectaire pour les principes de ce parti, c'est une innovation. فَخُدْ مَتَلًا هَا أُولَا الْحِلَقْ مَادَ كَيْنُ فَعَلُونَ حِلَقْ ذِكْرَ لَا المجيد. فلعل هذا أصل الرباط عند الياسينيين. ها؟ لك الرباط الاستغفار، رباط الصلاة، رباط القرآن. Et dans ce rebat, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont assis dans une maison. Donc déjà, ils n'ont pas d'autorisation. Donc ils s'enferment dans des maisons. Et encore. Dans les maisons, et la mosquée est juste à côté. Ils ne sortent pas faire la prière avec les musulmans dans la mosquée. Ils disent, ils sont en retraite spirituelle, ils sont enfermés pour les 15 jours, là pour les 40 jours, là pour les 3 jours. Point final. La mosquée, elle est juste à côté. Des gens qui ont été avec eux, que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, leur a ouvert les cœurs et les yeux, ils te racontent des trucs. Ils disent, on est à deux pas de la mosquée, on ne descend pas. Pour faire ça. Elle dit, mais par contre, on est là, on fait salat là-bas, et le fajr, et après salat le fajr, allez, vas-y, raconte ton rêve, et il commence. Et quand tu écris les stirfars, هذا المقدم, le maestro leur dit, استغفروا, hein. Quand c'est salat al-Nabi, il leur dit, يا أيها الذين آمنوا صلوا. Et ainsi de suite. يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا أسي دسي المايسترو المقدم باكم هذا ده بوكوا الياسينية تزابيلا كوا منتنو على ريفوليسيون كونتر لا مونارشي او ماروك كونتر لو سيستيم ماروكان يزابيل ميم لارمي كي سوا افيك لو جور دو لا ريفوليسيون باو غاد هادو لي سيركل كي يافي شي عبد الله بن مسعود ا سون ايبوك. On les a retrouvés dans quel camp? On les a pas retrouvés avec Ali. On les a retrouvés avec, contre Ali, contre le gouverneur. Hein? À chaque peuple, il hérite de quelqu'un. Et regarde, de qui tu hérites? Et le maturide de l'Jamia, ولا تيريد المعتزلة ولا الخوارج ولا راه ولا الصوفية إلي زيكستخيميست ديال الصوفية اكسيتيرا البلايا والطوام إلي كاتاستخوف سوا تيريد دو دي كومبانيون دي بروفيت عليه الصلاة والسلام regarde bien parce que l'héritage a été partagé regarde ta part de l'héritage il est quoi une vieille part accord là la once solide qui te lie au prophète alayhi salatu salam et Allah azza wa jal hein la voix de tes puiseurs de Allah alayhim fa Abdullah ibn Mas'ud raa anna hadi hein hadi dhahira jadida فانكرها انكارا شديدا قال والذي نفسي بيده انكم اهدى يعني عندكم دين ادم دين محمد او انكم مفتتح باب ضلاله وما لا شك فيه انهم مفتتح باب ضلاله فمثلا كيف لو عاش عبد الله بن مسعود في عصرنا وراى الصوفيه يطبلون ويرقصون في الزوايا وينشدون كيف لو سمع الياسينيين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم وأنهم يرونه يقظة كيف لو سمعهم يقولون أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وغيرهم يحضرون ما يسمى عندهم بمجالس نصيحة سبحان الله كيف لو سمع مشايخ القوم وكبراءهم يفتخرون بهذه الرؤى والمنامات ويجعلونها من الفتوحات الربانية ويزعمون أنهم ينظرون في اللوح المحفوظ سبحان الله أين عقول القوم ها وهذا أفيون هذا الناس هذو يمكن لا طاحوا في شي أفيون صحيح دونك سيت فوا كافيو عبد الله بن مسعود سي كيكو شوز دو نوفو دو لا ريليجيون des cercles dans lesquels on invoque Allah et on comptabilise avec un maestro qui te donne les ordres. Et qui sait quoi, c'était la position d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a blâmé, un blâme très fort. Par Allah, soit vous êtes sur une voie, vous êtes mieux guidé que Muhammad et ses compagnons, soit vous ouvrez une porte de l'égarement. L'un des deux. Choisissez. Il est évident qu'ils ouvrent une porte, une grande porte de l'égarement. Comment maintenant si Abdullah ibn Mas'ud était vivant maintenant avec nous? Qu'il voit à notre époque les mystiques de Sofia avec les tambourins, avec Dribouka, hein, dans les confréries, et avec les clarinettes, et ça chante, et ça saute jusqu'au plafond, et ça se tape la tête, et ça se... Hein? Comment? Et comment si... Issa, l'anachid, vas-y, parle, ta gare, n'en finit pas. Comment c'est longtemps les Yassiniyin, disent que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez eux. Et eux, ils le voient, yaqadatan, on éveille, qu'il assiste à leurs assises. Et que Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, assistent aux assises, dial le conseil, indhum, majalis al-nasiha. Comment c'est longtemps de ça? Comment s'il entend les grands de ces voix de l'égarement, hein, être fier de ses visions, le manamat, hein, et les visions, yaqadatan, comme ils disent, et qu'ils font que ces visions qu'eux ils voient, c'est une conquête que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une annonce min Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Certains disent, le mashaykh il voit dans le lawh al-mahfouz. Ah, le livre préservé c'est Allah Azza wa Jalla où il y a tout, le destin et tout, il voit dedans. Subhanallah. Vous voyez dedans. Pourquoi vous ne sauvez pas la communauté si vous voyez dedans? Pourquoi après vous ne dites pas à la communauté ne tombez pas dans cet acte? Ne faites pas cet acte, il va vous amener à votre perte. Puisque tout est écrit dans le Al-Mahfoud. Hein? Fal'an. L'amr lam yaqif. عند الذكر والتسبيح فقط ولكنه النشيد وفرق النشيد وفنان النشيد والرقص والتطبيل والرقصات والنغمات وفي حج 2003 بأم عيني أرى من منى إلى عرفة هذا حافلة تمر ورجال بلحاهم هكذا يطبلون ويرقصون وينقصون بالنوقسات في يديهم. قلت الله الله نائم، فقلت للزوجة انظري أن تريني ما أرى، قال ترى الذي ترى. ويتمايلون، وهذا يسمونه بالذكر، الذكر، وهذا تلاعب الشيطان بالقوم، هذا من تلاعبات الشيطان بالقوم. Maintenant, la situation ne s'est pas arrêtée tout simplement à l'invocation en groupe avec un maestro. Maintenant, les chants, ce qu'ils disent, l'anachide, hein, et les groupes disent l'anachide, hada le silence des mosquées, hada ma'at le silence de, hein, de Jérusalem, hada ma'at gaj. Et maintenant, il est vedette, disent l'anachide, par vedette. Et quand tu entends l'anachide, les synthétiseurs et les clarinettes, et j'en passe. Et laisse les danses, et laisse, les mélodies et autres. Pendant le pèlerinage de l'année 2003, j'ai vu un bus passer. 2001 à Arafat, j'ai vu un bus passer. Et je croyais que je rêvais. Dans le bus, des gens avec barbe et tout. Et ils avaient des, comment on les appelle, nourksat à deux, tapés dans les mains, comment, castagnettes, des petites castagnettes, et ils tapaient, et ça chante, et ça danse, et ça bouge dans tous les sens. Je dis à ma femme, regarde, regarde, est-ce que tu vois ce que je vois? Il m'a dit, oui, je vois tout ce que tu vois. Ce que tu as vu, c'est vrai, tu ne rêves pas. Subhanallah. Et ils disent, hada si dhikr. Hada si sa dhikr. C'est quoi le blâmable chez vous? Hada si dhikr avec une nuaqs qui sont interdits. Et les musiques qui sont interdites. Ben c'est quoi ce qui est interdit pour vous? Subhanallah. Galé qu'on veut libérer la Palestine. إخوان المفلسون والياسينين كذلك عندهم فرق الأناشيد وينشدون وعندهم فنانون ديالهم وينشدون في المساجد. وحصل هذا هنا عندكم ويحصل في كثير من البلدان الإسلامية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الفخير مسلمون maintenant. الياسيني توسي. Ils ont des groupes ديال الأناشيد. Ils ont des vedettes. الأناشيد ils le font dans les mosquées maintenant. Chez les frères, les mosquées, il y a les frères musulmans au nord de la France. Allah, à la haraj. Et des fois, pendant même les veillées du Ramadan, etc. Parce qu'ils appellent aussi la veillée mensuelle. Et après, ils terminent tout ça par une prière nocturne en groupe. Je ne sais pas d'où ils la ramènent aussi. Après, ils veulent libérer la Palestine. قال عبد الله بن مسعود للقوم، قال القوم لعبد الله بن مسعود ما أردنا إلا الخير. وهذه كلمة يرددها الحزبيون كثيرا. إنما نقيم المشاهد والموالد والاحتفالات والتمثيليات وليالي الأناشد والمخيمات ونفعل كذا وكذا لجمع الأمة وهداية الشباب. سبحان الله. ولماذا لم تأخذوا طريق محمد بن عبد الله رضي الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم؟ دونك هذا لي جون هادو كيس كيس زون دي عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن نوفولون كو لو بيان. Et ça c'est une parole que les activistes musulmans et les militants de partis musulmans etc. disent. On fait tout ceci. On fait la fête du Mouloud, on fait les fêtes, etc., de fin d'année et du début de l'année, et tout ça on le fait, et les théâtres, et l'anachide et tout ça, et les campements, on amène les jeunes là-bas pour leur faire du lavage de cerveau, on fait tout ça pour réunir la communauté, pour guider les jeunes. Subhanallah. Pourquoi vous ne faites pas ce qu'a fait Mohammed ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamu alayhi, et ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection? ويقول ونأتي ببعض المهرجين ليسلوا الشباب ونذكر النكت نريد من الشباب أن يترك المعاصي نريد الخير فيقال لهؤلاء كما قال ابن مسعود لأهل الحلق وكم من مريد للخير لن يصيبه كم من شخص يريد الخير لكن لا يوفق له لأن المسألة قائمة على الاتباع وليس على الهوى والتشهي. المسألة ليست مزاجية، إذا اشتهيت شيئا فعلته. لا يا أخ الإسلام، هذا دين لا يقوم إلا على الاتباع ولا يقوم على الهوى، فالله المستعان. On ramène aussi des humoristes. Comment on les appelle? Ceux qui font de l'humour. Des humoristes. Et on les ramène pour apaiser les jeunes, pour créer une ambiance chez les jeunes. On leur raconte des petites histoires. Et même si c'est des histoires qui dépassent la ceinture en bas, ce n'est pas un problème. Pour que les jeunes puissent délaisser les péchés. On veut le bien. Cela, il faut leur dire ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu aux gens qui étaient dans la vocation. Hein? Combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Combien de personnes veulent le bien, mille. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du bien. Le chemin léger ferré. Car la situation, il s'accomplit sur un suivi, sur une sincérité pour Allah et un suivi. Ce n'est pas les passions, ce n'est pas ce que j'aime. Ça ne dépend pas de mon humour, ou là de mes humours. Hein, comment on dit? Mes humours. Non, pas l'humour. Les humeurs de quelqu'un. Les humeurs, ça ne dépend pas des humeurs des personnes. Quand j'ai envie de quelque chose, je la fais, j'ai pas envie, je jette. Là, l'islam est une religion qui s'accomplit sur la sincérité et le suivi. Il ne s'accomplit pas sur les passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute forme de perturbation, de toute forme de passion. واسمعي الآن لإمام هدى يكتب. يقول الشيخ، نقل الشيخ أحمد النجمي حفظه الله كلاما والله لو كان يجوز كتابته بالداف فليكتب بها. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطأة حين كتب إليه يستشيره في بعض القضرية فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرضا لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافد كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم الأسبقون، فقد تكلموا منه بما يكفيه ووصفوا منه ما يشفي. Belle parole, si il permet de l'écrire ou non, il faut l'écrire. Omar ibn Abdel Aziz, il écrit Aoudé ibn Arta'a. Quand Aoudé ibn Arta'a lui a envoyé un message, une lettre, lui demandant des conseils sur le Qadariya. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas le destin. Il ne sait pas ce que font les gens jusqu'à ce que les gens ils le fassent. Aoudé billah. Il lui a dit: je te conseille le fait de préserver le droit d'Allah. T'as quoi? Et d'être économe dans ses ordres. Et de suivre la sunna de son prophète, alayhi salatu wa sallam. D'être économe dans les ordres d'Allah, azza wa jal, ne t'impose pas ce que tu ne peux pas faire. Hein? Et d'être dans le suivi de Muhammad, alayhi salatu wa sallam, et de laisser tout ce que ont innové les innovateurs. Toutes nouveautés qu'ont ramené les innovateurs, tu les laisses de côté. Et tu te cramponnes à la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Hein? Il est obligatoire pour toi que tu te cramponnes à la sunna, car cette sunna a été instaurée par ceux qui connaissent l'erreur dans ce qui est différent de la sunna, et qui savent ce que c'est que, la déviation et la folie. Et la folie et la déviation, il est dans le fait d'être en divergence avec la sunna. Et il dit agré pour toi ce qu'ils se sont agréés pour eux-mêmes, c'est-à-dire agrée-toi le chemin et la voie des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam et de ses compagnons. Parce qu'ils se sont arrêtés là où ils se sont arrêtés par science. Ce n'est pas les passions, ce n'est pas les principes du groupe, mais ils se sont arrêtés par science. Et ils ont une clairvoyance très profonde qui les a stoppés là où ils se sont arrêtés. Et ils avaient les capacités pour dévoiler les situations. Et s'il y avait un bien, c'est eux les premiers qui vont accourir pour le bien. Ils avaient la capacité et la puissance pour le faire. Et si vous dites ça, c'est quelque chose qui a été, c'est quelque chose de nouveau qui a été fait, il leur dit, celui qui a fait cette nouveauté, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi leur chemin et qui s'est détourné de leur sunna. Et il s'est pris l'indépendance, hein, lui-même. Et il dit, ce sont eux les premiers. Ils ont parlé avec des choses qui sont suffisantes pour ceux qui sont venus avec eux. Ils ont décrit cette religion et la sunna, et la voie sur laquelle, complètement, comme il se doit. Hada, c'est la parole de qui? Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz. Fahada, أثر عظيم وفي قواعد سلفية عظيمة ولا عجب فإنه صدر من إمام هدى عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد سئل ابن سيرين عن نوع من أنواع الأشربة فقال نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز هذا إمام هدى وليس كما يقول سلمان العودة عن سيد قطب إنه إمام هدى ذلك يتردى عن صحابة رسول الله ويأمر الناس أن يتبعوا صحابة رسول الله وهذا كما رأينا البارحة يطعن في صحابة رسول الله ويشتمهم ويقول عنه سلمان العودة سيد قطب إمام هدى وهذا من الغش لشباب الأمة كيف يكون سيد قطب إمام هدى فهذا من التلاعب بعقول الناس أن يوصف شخص عنده من البدع وعنده وحدة الوجود وعنده تكفير للمجتمعات الإسلامية وعنده التهييج وليس بعالم ولا محدث ولا فقيه ولا مفسر ولا شيء من هذا كله إنما هو أديب ويوصف بإمام هدى نعوذ بالله من الانحراف الفكري والله المستعان. Donc, cette parole de Ibn Abd al-Aziz, rahmatullah alayh, est une noble parole, dans laquelle il y a des règles salafis très fortes, et des fondements salafis qui sont énormes. Il n'y a rien d'étonnant que ce soit ainsi, parce qu'ils émanent d'un imam qui, que les hommes de science ont appelé l'imam de la sunna, imam de la guidée, imam au huda. Hein? Omar ibn Abd al-Aziz. Quand on a posé la question à Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, sur certaines boissons, il a dit cette boisson, un des imams de la guidée, un des imams de la sunna a interdit cette boisson. Omar ibn Abd al-Aziz l'a interdite. Qui a dit? Ibn Sirin. Et qui c'est Ibn Sirin? C'est un grand imam qui nous a laissé une règle aussi dans sa parole. La science de cette religion est une religion elle-même. Regarde. Regardez chez qui vous prenez cette religion. Hein? Omar ibn Abd al-Aziz est un imam de la sunna. Et ce n'est pas comme dit Salman al-Aouda que Sayyid Qutb est un imam de la guidée et de la sunna. Subhanallah. Et ça, c'est une trahison. Comment on peut dire de quelqu'un? Vous avez entendu la parole hier. Les insultes qu'il a sur Muawiyah, sur Amr ibn al-As. Hein? Comment il a traité Uthman ibn Affan? Comment il a dénigré Moussa alayhi salatu wassalam? Et tout ça de ses livres. Comment on peut dire de lui que c'est un imam de la guidée? Et ça, c'est trahir les jeunes de la communauté. Comment leur présenter Sayyid Qutb qu'on a un imam de la guidée? Ça, c'est le fait de jouer avec les raisons des gens et de jouer avec l'esprit des jeunes. Leur décrire un homme chez lequel il y a des innovations énormes, l'unicité de l'existence, le fait de rendre mécréant tout, toutes les sociétés musulmanes, sans exception. Même le Mouddin qui fait la danse sur le minaret, lui aussi il le rentre dedans. Et quelqu'un qui allume les communautés contre leur gouverneur, et ce n'est pas un homme de science, ce n'est pas un homme du hadith, ce n'est pas un jurisconsulte, ce n'est pas un interprétateur du Coran, rien de tout ça, mais tout simplement un homme de lettres. Et on le décrit, et Salman al-Aouda le décrit comme imam de la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la déviation. Allah al-Musta'an. وعن مجاهد ونرجع إلى كلام الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى ويقول وعن مجاهد في قوله تعالى ولا تتبع السبل قال البدع والمشتبهات وعن عبد الرحمن بن مهدي قال سئل مالك بن أنس عن السنة قال هي ما لسم له غير السنة وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى إلى encore شيخ أحمد de nous citer des nobles paroles et des belles paroles et des règles chez Salaf. Il dit Mujahid a dit dans l'interprétation de la parole d'Allah Azza wa Jal, ne suivez pas les chemins. Il a dit les innovations et les ambiguïtés. Et il nous rapporte aussi de Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit on a posé la question à Malik ibn Anas, c'est quoi la sunna? Il a dit la chose qui n'a d'autre nom que la sunna. Il n'a d'autre nom que la sunna. Hein? Maintenant, tu as Ikhwal le Muflisoun, At-Tablir, At-Tahrir, At-Tala'i, des noms. Hein? Et il a cité ce verset du Coran, et ça, c'est ma voie droite. Suivez-la, et ne suivez pas les chemins. Et ces chemins vont vous diversifier, vont vous diviser, vont vous éjecté de la voix d'Allah Azza wa Jal. Bakr ibn al-Ala, rahimahullah ta'ala, il dit, yuridu, incha'Allah, le hadith d'Ibn Mas'ud, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aura tracé un trait, il aura dit, ça, c'est ma voie droite. Hein? Suivez-la, ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer de là. Ça, c'est le chemin droit qui va vous amener vers Allah Azza wa Jal. Cela prouve que ce verset, toutes les formes d'innovation, toutes les voies de l'innovation rentrent dans ce verset. Et qu'il n'y a pas une exception pour une innovation. Tous ils rentrent dans ces chemins. Et qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule rectitude, une seule voie pour arriver vers l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Wa an al-Hasan, al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qala, خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء أي بالحجارة الصغيرة حتى جعلت ما أبصر أديم السماء قال وسمعنا صوتا من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أمهات المؤمنين قال فسمعتها وهي تقول قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب وتلت قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال القاضي إسماعيل أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة رضي الله عنها حاجة في ذلك الوقت الحسن البصري رحمة الله عليه سي الشيخ النجمي سي باول دو حسن البصري دي كو عثمان une fois il est sorti dans la mosquée il a commencé à faire un discours. Et donc, le début du perturbateur, les enfants, les poussins d'Abdullah ibn Saba ont commencé à élever la voix. Et à un moment donné, tellement ils se sont élevés la voix, ils ont commencé à se jeter des petites pierres. À tel point que Hada al-Hassan al-Basri, il a dit, je ne voyais plus le ciel. Et il a dit à ce moment-là, on a entendu, pas tout simplement, on a entendu un bruit une voix de certaines femmes du prophète alayhi salam. Et il a été dit dans l'assemblée, ça c'est la voix des mères des croyantes. Et il a dit, je l'ai entendu dire, Allah subhanahu wa ta'ala est innocent, sallallahu alayhi wa sallam, est innocent de ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en groupe, en partie. Hein? Et il a cité cette parole d'Allah, azza wa jal. Et ceux qui ont divisé leur religion, ils sont, se sont constitués en groupe, en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Le qadi Ismaïl, il dit, je crois que ce qu'il a voulu dire, que la mère des croyantes ici, c'est Umm Salama, comme il est cité dans un certain hadith, parce que Aïcha radiyallahu ta'ala, cette année-là, il était en pèlerinage. Radiyallahu an sahabati rasulillah, wa an ummahati al-mu'minin. فهنا في هذا الأثر براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق دينه لاحظ برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحزب وصار حزبيا هذا هو البلاء أن يصير الإنسان حزبيا يحارب على حزبه يعادي ويوالي عليه c'est un désavoue du prophète عليه الصلاة والسلام il désavoue ceux qui se sont constitués en groupe qui se sont divisés dans la religion il les désavoue Il est innocent d'eux. Subhanallah, c'est une énorme situation, a dit. C'est grave d'être désavoué par le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Oh, médite cette parole. Bari, bari à Rasulullah. Rasulullah est innocent de ceux qui se sont constitués en partie, qui sont devenus des hizbi. Hein? Et ça, c'est une grande épreuve, une grande perturbation plutôt, que l'être humain devient un adepte d'un parti, il s'allie pour le parti, il désavoue pour le parti. قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا تحاربوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم القاضي il dit que هذا القاضي اسمعي qui est cité ici il dit que l'apparence du Coran prouve que chacun tout un chacun qui innove une innovation dans la religion que ce soit le khawarij ou autre il rentre dans ce verset, c'est-à-dire il rentre dans le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le dise à vous. Hein? Pourquoi? Parce que quand ils innovent, ils vont se faire la guerre, ils vont rentrer en litige, ils vont se diviser en groupes. Et c'est ce qui est arrivé. Ibn Wahb, de nous rapporter de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud fait ce conseil, écoute bien ce conseil. Et c'est un conseil qu'il faut mettre en application. Il a dit, cherchez la science, demandez la science, car tout un chacun de vous, c'est pas quand on aura besoin de lui. Quand les gens vont avoir besoin de lui. Quand les gens vont avoir besoin de la science qu'il a. Et vous allez trouver des gens qui prétendent qu'ils appellent vers le livre d'Allah, Azzawajal, alors qu'ils ont mis le livre d'Allah, Azzawajal, derrière leur dos. Cramponnez-vous à la science, apprenez et faites attention et éloignez-vous de toute forme d'innovation et de toute forme d'extrémisme. N'allez pas aux extrêmes et attachez-vous à la situation ancienne. Tu sais ce que c'est que la situation ancienne? Ici, Amr al-Atiq, la science sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses compagnons. Wa hadi wasiya azima wa jalila min ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجب أن نأخذ بها وصية لطالب الحق وصية لطالب العلم وصية مهمة عليكم بالعلم تعلموا الآن فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه الآن أيها الإخوة علينا بالعلم نتعلمه ونعتني به سيأتي يوم الناس تحتاج إلينا فيجدونا فيجدوا عندنا علما ومنهجا صحيحا وسنة صحيحة فالناس الآن محتاجون لمن يصحح عقائدهم ومحتاجون لمن يصحح عباداتهم ومحتاجون لمن يوجههم التوجيه السليم Ce conseil qui nous est arrivé d'Abdullah ibn Mas'ud, il faut le mettre en application. Nous devons le prendre. Si on demande la science, si on cherche la vérité, nous devons mettre en application ce conseil d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Parce que c'est un conseil énorme et très important. Il faut apprendre la science. Parce que tout un chacun de nous, nous devons apprendre. Tout un chacun de nous, c'est pas quand est-ce que les gens vont avoir besoin de lui. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous donnions l'importance à la demande de la science. Parce qu'un jour, quelqu'un se tournera vers toi, ou des gens vont se tourner vers toi, ils vont trouver chez toi une science, une voie authentique, une sunna authentique. Car aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de quelqu'un, de gens qui vont leur authentifier leurs croyances et leur montrer les ambiguïtés. Hein? Et d'authentifier leurs adorations. Les gens ont besoin de gens qui vont les orienter à une orientation saine. وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أي أن تقتصد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تعمل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتك خير لك من أن تجتهد في البدعة يوسيد عبد الله بن مسعود من كونسي ونور aussi fait d'être économe dans la sunna est mieux que le fait de faire beaucoup d'efforts dans l'innovation mieux que tu mettes en application ce que tu peux de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام que tu t'étales dans l'innovation يعني مثلا تجلس في بيتك تتابع شرحا لمتن من المتون لأهل العلم تقرأ في رياض الصالحين بشرح الشيخ العثيمين وتجتمع مع إخوانك في المركز وتنصت إلى موقع من واقع أهل العلم موثوقين إلى ما ينفعكم تجلس في بيتك تقرأ في كتاب من كتب أهل العلم كابن باز والعثيمين والألباني والشيخ ربيع والشيخ النجمي والشيخ العباد وغيرهم أمثال هؤلاء وتأخذ أو تأخذ إمامة مسجد وتوجه الناس إلى المنهج الصحيح والسنة الصحيحة وتصحح معتقدهم أنت الآن مقتصد هذا أفضل أم تذهب إلى باكستان أو تذهب إلى الهند وأمريكا أو إفريقيا وأنت على البدعة وأنت على الخرافة أيهما أفضل بلا شك الأول أفضل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ولذلك لا ينبغي يا إخوان يمتن بهذه الأصفار جماعة التبليغ على أهل السنة إن هؤلاء التبليغيون يقولون أنتم السلفيين تجلسون في بيوتكم ونحن نذهب إلى أدغال إفريقيا وواسط آسيا وإلى أطراف الدنيا ولكن أبناء العرب يصطادون بهم الأعاجم ويقول لك العلماء في بيوتهم مع الدجاج المحمر ويحكون من الخرافات أن الخضر يخرج معهم فأئمتنا وبالله وتالله هم على الحق ونفع الله بهم أكثر مما نفع بجماعة التبليغ فأئمتنا يقول لهؤلاء المنحرفين عن السنة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة Et maintenant, être économe dans une sunna. Le fait que tu restes chez toi, tu prends ton livre, tu suis Sharh du Sheikh Al-Uthaymeen, tu lis le livre qui écrit Dial Sharh et en même temps tu écoutes le Dieu Dial Sheikh. Tu suis l'une des interprétations des hommes de science qui sont dignes d'inon sur un livre Dial Aqida ou sur un livre Dial Fiqh. Ou alors tu te réunis avec tes frères dans le centre. Et vous écoutez, vous êtes branché sur Internet, sur un des sites conseillés par les hommes de science, où vous écoutez des paroles d'hommes de science et des cours d'hommes de science qui sont donnés en la langue, même en français, comme les sites du repère de la Sunna, et le frère Ammar, ou les sites, et le frère Abdel Malik, et le frère, et Cheikh Chalabi, Hafidham Allah Ta'ala, et Cheikh Abdel Malik, Hafidham Allah Ta'ala, et vous êtes dans le centre, et vous vous réunissez pour ça. Là, vous êtes dans la Sunna, et vous apprenez, vous avancez, Ou alors tu restes toi et tu lis sur, dans un épître, l'un des épîtres des grands imams de cette communauté, comme l'éminence Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, ou son éminence l'Utaymiyyin, ou son éminence l'Albani, ou Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, ou son éminence Najmi, ou son éminence l'Abbad, et d'autres comme ceux-là. Ou alors tu as les capacités, tu prends l'imama d'une mosquée, hein, et tu orientes les gens vers une voie authentique, et tu authentifies leur croyance, et tu authentifies leurs adorations, etc. Dans ces cas-là, toi, tu es économe. Est-ce que ça, c'est mieux, ou le fait d'errer, d'aller vers le Pakistan, alors que tu connais rien du tout, en Inde, en Afrique, hein, en Amérique, etc. Et tu es dans l'innovation, et tu racontes que des histoires à dormir debout. C'est quoi le mieux? Le premier ou le dernier? Il est évident que le premier est mieux que le dernier. Le fait d'être économe dans la sunna est mieux que le fait de faire des efforts et de dépenser de l'argent, même en allant juste aux antépodes de la terre. Hein? C'est mieux que de faire des efforts dans l'innovation. C'est pour ça, il faut pas gober les ambiguïtés d'Yel Tablir quand ils disent, les Tablir, ils ont fait du bien avec les voyages qu'ils font. Et les voyages, vous, les salafiyines, vous restez chez vous, mais nous, on erre, on va, on guide les gens. Vous guidez qui, vous? Vous guidez rien du tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Hein? Vous restez chez vous, nous, on va au fin fond de la jungle africaine. Oui, vous allez au fin fond de la jungle de l'africaine, mais tout simplement, quand vous revenez, vous nous a raconté des histoires à dormir debout. Et le point que certains disent qu'une fois, ils étaient perdus en plein jungle en Afrique, et ils étaient en train de faire dua pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent tout d'un coup nous sommes tournés, et nous avons vu une gorille, les mains levées vers le ciel. Ils disent, wallah, si le gorille t'avait vu, il t'aurait mangé. Alors arrête, hein, subhanallah. C'est ça, la religion, et c'est ça que tu prends pas, c'est pas la peine, reste chez toi. Hein? Et en plus de ça, vers les pays comme le Pakistan ou l'Inde, ils prennent les pauvres Marocains, les pauvres Algériens, les pauvres Tunisiens, qui ne parlent pas un mot de Paco, ni d'Ordo, ni rien du tout. Et c'est un appât pour attraper. C'est un appât pour attraper les non-arabes. Vous savez comment on leur fait? Et ça, je le tiens de quelqu'un. 20 ans d'Yel Tablir Akhoya, il a fait. On les installe une fois qu'ils sont dans une mosquée ou dans un local au Bangladesh ou là quelque part. Ils l'installent sur une chaise. Et il paraît, on leur dit, quand ils arrivent là-bas, que ça c'est les enfants d'Israël, Sahaba qui sont venus vous rendre visite. Et il y a les Paco et tout ça, ils viennent prendre bénédiction, ils leur essuient les épaules. Et un jour, le frère, il vient souvent ici. Il est venu plusieurs fois avec moi. Un jour, je vais l'installer sur cette chaise, il va vous raconter des histoires, vous allez voir. Subhanallah. Et il me dit, Mskin, il nous raconte que des fois il parle 5 minutes. Il a dit, Hada, le traducteur au Nordou, il parle sur un quart d'heure, une trentaine de minutes. Et tout d'un coup, il entend dans l'avancée, oh, Zindagi, Allahu Akbar, oh, Zindagi. Nous allons sortir toute la vie, Allahu Akbar, nous allons sortir toute la vie. Va savoir ce que lui il a raconté. Il a dit, moi je viens de rentrer dans la religion, je ne sais même pas comment faire. Et j'entends tout d'un coup la mosquée qui allait trembler par beaucoup de monde qui crie, Allahu Akbar, nous allons sortir toute la vie. Va savoir ce qu'il leur raconte. Donc, les autres arabes, les autres maghrébins, c'est un appât pour eux. Ils les utilisent. Hein? Et c'est les témoignages de beaucoup. Et leur grand, en France, il a dit, dans la même réunion, il a juré par Allah que c'est un acte bon, hein, il faut le faire, même si le prophète nous l'a fait, il a dit, les savants, ils sont dans leur maison, ils sont rassasiés de poulet rôti. Subhanallah. Tout ça, pourquoi? C'est un dénigrement de la science. Hein? Et il raconte aussi, il revient des îles Comores et des trucs comme ça. Il disait que le Khadr était en voyage avec eux, il a fait le jaoula avec eux. Subhanallah. C'est quoi ça? Hein? Enfin, ceux-là qui font des efforts pareils, ben, ils sont dans l'égarement, M'sakin. Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Hein? Et les imams leur disent, il vaut mieux être économe dans la sunna que faire des efforts dans ce genre d'égarement. ومع هذا لا يسلم لهم أن أهل السنة ليس عندهم نشاط في الدعوة ونشر علم فهي اليمن كيف كانت قبل دعوة الشيخ المحدث العلامة الشيخ مقبل حفظه الله له. وتذكروا قول بعض المختصين في الجماعات هنا في أوروبا، قالت دعوة السلفية فعلت في بعض سنين في أوروبا ما لم تفعله دعوة التبليغ في 30 سنة. وهذا ليس مسلم هذا الذي شهد هذه الشهادة. Et malgré tout ça, quand ils disent, ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam, etc., ceci, c'est pas, on leur laisse pas à 100%. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il utilise un pervers, il utilise un innovateur pour faire triompher cette religion. Il faut pas, c'est une ambiguïté qui est non avenante. Et quand ils disent que les salafis, ils font rien, regardez maintenant, un pays et un homme, il a fait ce qu'un État ne peut pas faire, à lui tout seul. Quand Cheikh Mokbel est rentré au Yémen, le Yémen était quoi? Le Yémen était bondé de Hizbi et de Shia, Zaydiya. C'est tout. La Sunna n'avait pas de place. Maintenant, c'est quoi le Yémen? La jeunesse yémanite dans la Sunna. Tout un pays a été bouleversé par les efforts d'un seul homme, mais avec la science, avec la clairvoyance, avec la voix du puiser. Maintenant, par exemple, tu as 3000 étudiants qui sont permanents dans le centre de Damas. Mais l'été, tous les jeunes Yémenis aussi, etc., ils arrivent à 6000 étudiants. Avec tous les Yémenis, les jeunes, la jeunesse yémenite qui est assoiffée d'apprentissage, etc. Ils apprennent la science. Et ils propagent la science. Et certains ennemis d'Allah, Azza wa Jal, dont les services secrets, etc., il avait dit. Dawah Salafia et la jeunesse salafite a fait, durant quelques années, ce que n'a pas pu faire Jama'at Tabligh en 30 ans. Tout le travail de 30 années de Jama'at Tabligh, il a été fait en quelques années par la voix d'El Salaf, par Dawah Salafia. Donc ce qu'il prétend est faux. Ce n'est pas vrai. فأهل السنة من أكبر الناس نشاطا في الدعوة ونشر العلم وآثارهم عظيمة ومن أعظم الآثار على المسلمين فهذه دورات الجامعة الإسلامية في الصيف عبر العالم وما يقوم به مشايخ سلفيين من هنا ومن هنا عبر العالم les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna font beaucoup d'efforts dans le da'wa ila Allah Azza wa Jal et ils ont beaucoup d'efforts à propager la science. Et leur impact est énorme. Et les fruits qu'ils laissent sont énormes. Regarde, les séminaires de l'été de l'université islamique de Médine, à travers le monde entier. Et les livres qui sont enseignés. Et les mashayikhs à travers le monde entier de différents pays qui vont à travers le monde pour Dawah Salafia. Faut pas... Nous on sort pour sauver les autres. L'akhirah il sauve rien du tout. Il est sauvé celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit sauvé. Il n'est sauvé que celui qui se cramponne à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Mais tu vas pas, c'est pas maintenant que tu vas venir nous rajouter des ambiguïtés. Je connais Tabligh comme ma poche. C'est vrai qu'on venait à la mosquée, entendre la parole de la religion et de la foi. Quand on est là, on s'assoit, on entend quoi? On parle des sifats qui sont fondés par Elias et des histoires. C'est tout. Et les sifats, vous vous dites que Cheikh Al-Uthaymin vous fait des éloges. Ben venez, écoutez ce que dit Cheikh Al-Uthaymin sur ces sifats. Il dit que ces sifats sont incomplètes et qu'il faut les remplacer par le hadith du Jibril. Parce que, à la fin du hadith de Jibril, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, voici c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. C'est quoi ça, cette parole de la part de Cheikh? Apprenez votre religion. C'est ce que ça veut dire. Et ben là, vous dites que Cheikh Al-Uthaymin, il vous avoue, et il vous fait les éloges. Venez dans vos centres qu'on enseigne Riyad Salihin avec l'interprétation d'Yal Cheikh Al-Uthaymin. Allah, ils ne voudront pas, mais non. Le principe du groupe, c'est que on lit les hadiths et la lumière tombe. C'est tout. Et je sais de quoi je parle. J'étais avec eux. Et je suis sorti 40 jours. Et ils voyaient la grande le grand poisson arrivé, l'arabe, le français, etc. Certains voulaient marier, certains voulaient même jeter leurs imams. On a dit, ouais, Hassan, reste là, tout de suite. L'imamat, l'imam que vous avez, il m'a dit, un petit pot de banane, et il est parti. Comme ça, wallah al-azim. Du pipo. Gentil, mais gentil, non. Ils sont pas gentils. Ils sont gentils entre eux. Du moment que tu as d'autres pensées, que tu veux propager la science, ça y est, c'est fini. C'est le bâton. Et c'est la haine. Et je les connais. Et je connais leurs grands. Et j'ai eu des discussions avec leurs grands. Hein? Subhanallah. Et je les connais dans une région où ils avaient de l'influence, le nord de la France. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, avec peu de frères, etc., il n'y a plus aucun jeune qui sort dans cette région. À tel point que certains parmi nous ont reçu des menaces. Directes et indirectes. Certains ont été frappés. Il ne faut pas rigoler avec ça. Pas croire. وعن حذيفة بن اليمام رضي الله عنه قال أنه قال يا معشر القراء استقيموا لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. حذيفة بن اليمام رضي الله تعالى عنه يدي يساو السيسين رجل سلفي دان إمام كي دان دي كومبانيون دي بروت عليه يدي وفو وفو القراء pour eux c'est ceux qui ont la science. Vous qui avez la science, prenez la droiture et soyez droit. Et si vous prenez la droiture, on vous a devancé. Il y a des gens qui vous ont devancé sur cette droite. Ça veut dire que le prophète, ses compagnons, sont devant vous. Ils sont sur cette droiture avant vous. Et si vous prenez à droite ou à gauche, vous êtes égaré, un grand égarement. Un égarement clair. Et par Allah, c'est un conseil de quelqu'un qui a vécu avec le prophète عليه الصلاة والسلام. وعنه أيضا أخوف ما خاف على الناس اثنان أن يؤتروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان صاحب بدعة. Il a dit une belle parole ici aussi. La chose, هذا حذيفة بن اليمام. La chose que je crains, ce que je crains pour les gens, deux choses. C'est que ils mettent en avant ce qu'ils voient. Ils laissent la science qu'ils ont. Andak. Des fois, tu vois, un tibiri, il a pris un soulard ou là, un drogué, il le traîne, etc. Et tu tombes direct. Et tu laisses la science et la certitude que tu as. Hein? C'est bien qu'il l'aide. Mais il ne faut pas que tu tombes dans le panneau. Et qu'il s'égare sans le sentir. قال سفيان صاحب بدعة. Fais attention que tu ne tombes pas dans la main d'un innovateur et que tu ne le suis pas. فهذا الشرح من سفيان لهذا الأثر الذي فيه أن يؤتروا ما يرون على ما يعلم أن يؤتروا الدنيا والشهوات التي يرونها والمغريات على ما عندهم من العلم والهدى وأن يضلوا من حيث لا يشعرون. هذه البدعة وهي أن الإنسان يكون على الضلال وهو لا يشعر أنه على ضلالة. أكثر التبليغيين وأتباع هذه الجماعة المبتدعة مبتدعة في هذه الحالة. تذكروا قول هذا الفرنسي عن جماعة ياسين وما يشعرون به من أنا أذكركم بقوله وما يشعرون به من زيادة للإيمان بأعمال هي من البدعة. فصاحب البدعة يضل وهو لا يشعر. انحراف في الدين وهم لا يشعرون. فالحمد لله على نعمة السنة ومنهج سلف هذه الأمة. Donc, cette parole de Soufiane qui a dit « Sahib ou Bid'a », un innovateur, pour nous, on a cette parole, c'est une interprétation à cette parole de Hudayfa ibn al-Yaman. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant ce qu'ils voient par rapport à ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire, ce bas monde, ces shahawats, etc., vont le mettre. Et ils vont laisser la science qu'ils ont et la guidée qu'ils ont. Et ils vont s'égarer de là où ils ne le sentent pas. Ça, c'est l'innovation. De l'autre, d'un côté, c'est ce bas monde qui va les tirer vers leur passion, etc. Et de l'autre côté, c'est l'innovation. Hein? Ils vont laisser la guidée et la science qu'ils ont pour l'innovation. Ce qui veut dire que la personne va être dans l'égarement et lui, il ne le sente pas. Et beaucoup, d'adeptes, ديال التبليغ, ديال الياسينيين, ديال الإخوان, sont dans l'égarement, ils ne le savent même pas. Ils ne le sentent même pas. Je te parle d'un Yassini, un jeune Français, passe au Ramadan. L'autre Ramadan au sud de la France, dans une mosquée, avait fait beaucoup de cours sur l'innovation. Et comme il a été piqué, il a dit, tout ce que tu dis que c'est une innovation, nous ça augmente notre foi. Regardez comment tout ils sont bons. Parce que celui qui est dans l'innovation, il est égaré, il ne le sent même pas, mesquine. Il dit, tout ce que tu dis que c'est un égarement, le fait de se réunir pour dire, etc., etc., et le fait de faire des actes qui ne sont pas dans la sunna, nous ça augmente la foi. Là, c'est l'égarement sans qu'ils le sentent, mesquine. Une déviation sans qu'ils le sentent. Donc nous devons louer Allah Azza wa Jal pour le bienfait de la sunna et pour le bienfait de la voie de nos puiseurs d'Allah alayhi. Wa huna afatan khatiratan. أن الإنسان يؤثر ما يراه من الدنيا على ما عنده من العلم والإيمان والهدى فيفتن ويزيغ قلبه ويترك ما عنده من الخير ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وكم من طلبة علم فتنوا بالدنيا واسمع لمحدث اليمن ينكر أحواله يذكر أحوالهم والفتنة الثانية أن يضل الإنسان ويكون مبتدعا ضالا داعيا إلى الضلال فلنحمد الله عز وجل على التوحيد والسنة ومنهج سلف هذه الأمة الآن تناقش رافضيا أو صوفيا أو ياسينيا أو قطبيا فتجده متمسكا جدا ببدعته وضلاله وتجاهد ويجاهد عليها بالسيف وتجد نشيطا في نشر باطله ici deux grandes failles laquelle nous sommes confrontés, et qui sont très dangereux, c'est que la personne met en avant les choses de ce bas-monde, et que ce bas-monde prend le dessus par rapport à la science qu'il a, qu'a la personne, et par rapport à la foi qu'il a, et par rapport à la guidée. Et dans ces cas-là, il va être perturbé par ce bas-monde. Et il va laisser le bien qu'il avait. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Combien de demandeurs de science ont été perturbés par ce bas-monde? Il écoute les exemples que cite Cheikh Mukbil Hafidhahullah Ta'ala. Combien ils citent des noms, ils ont de la science. Ils se sont égarés par les valises et les liasses de billets. Hein? Et la deuxième perturbation, c'est que la personne s'égare et qu'il devient innovateur. Et qu'il appelle vers l'égarement. Nous devons remercier Allah Azza wa Jal pour le monothéisme et pour la sunna. Et surtout, y rajouter la voix et la compréhension de nos puiseurs d'Allah Alim, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Aujourd'hui, quand tu débats avec un Rafidhi, ou là avec un Soufi, ou là avec un Yassini, ou là avec un Khotbi, ou Kwani, ou Tbliri, tu le trouves, il s'acharne, il se cramponne très fortement à son égarement et à son innovation. Et il combat pour ça. Hein? Il combat pour ça. Beaucoup de nos frères, il y a un de nos frères Ali, un Irakien, parce que le tabligh, ils lui ont cassé la main. Ils lui ont cassé une voiture. Il fait des efforts dans la région parisienne, et chaque fois que l'occasion se présente, il n'y a pas de problème, il dévoile. Jamais un tabligh. Hein? Il les dévoile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce frère, il devait partir 4 mois au Pakistan. Ils l'ont refusé à l'aéroport. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il passe quelques mois au Yémen chez Cheikh Mukbil. Avec Allah. Et il les casse comme il se doit. Il dit la vérité avec les preuves, etc. Un jour, ils sont rentrés dans la mosquée. Ils ont commencé à crier dans la mosquée. Hein? Et quand leur dit l'Isha est arrivé, ils n'ont pas prié derrière lui. Regarde. Et ils disent le comportement. Le comportement. Quand on est avec eux, quand tu es avec eux, ils ont du comportement. Quand tu es pas avec eux, ils n'ont pas de comportement. Après, ils l'ont attendu au bas de l'escalier de chez lui. Et ils l'ont maltraité et ils lui ont cassé une main. Après, comme notre frère, il vendait des voitures à cette époque. Il avait deux Land Rover. Ils sont allés, ils l'ont saccagé. Seulement cette voiture qu'ils ont saccagée, lui, il l'avait déjà vendue, il l'a encaissée. L'argent d'un tabligh. Donc en réalité, ils ont cassé la voiture de l'un de leurs frères. Allah subhanahu wa ta'ala, quand comme oui. Notre frère, à notre frère Farid Ahmed, qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont pas dit aux flics? Qu'est-ce qu'ils... Sur notre dos, nous aussi. Moi et le frère Chaban, dans la région du Nord, qu'est-ce qu'ils ont pas été dire aux flics? Qu'est-ce qu'ils ont pas dit aux parents de jeunes, etc.? À un moment donné, on croyait qu'on avait la gale, puisque plus aucun jeune ne s'approchait de nous. On ne savait pas d'où ça venait. Mais c'est eux qui allaient dans les maisons et qui dirent des choses, comme quoi on est recherché par la police marocaine, on est recherché par le consulat, on est recherché par les polices européennes, mais n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout ça soit démenti. Parce que le mensonge, il ne tient pas. Ramène une réalité. Ramène quelque chose de réel. فإذا جالست الإخوان والياسيني أو التكفيري والقطبي والتبليغي والصوفي والحزبي عموما تجدهم أنهم لا يرون حقا إلا منهجهم وما هم عليه من الضلال والانحراف ويبكي عليك أنت أيها السلفي لأنك لست نشيطا لأنه يرى أنه على الحق وأنت مقصر وما يشعر المسكين بضلاله فهذه خطورة البدعة ولذلك البدعة أخطر من المعصية وهي أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يشعر بالتقصير أما المبتدع فما يشعر بذلك أما المبتدع فما يشعر بذلك donc quand tu t'assois et tu commences à débattre avec un frère musulman ou là avec un tkfiri ou là avec un qutbi yassini tbligi soufi activiste de n'importe quelle tendance en général tu vois ne voient la vérité que dans leur voix et dans leur manège, et dans ce qu'ils décrètent, de ce qu'a décrété leur théoricien, et dans l'égarement dans lequel ils sont. Et ils pleurent sur ton sort, toi le salafi, parce que tu n'es pas enthousiaste, tu n'es pas activiste comme lui, etc. Et ils voient que toi tu es laxiste. Et le pauvre, ils ne sont pas son égarement. Et ça, c'est le danger de l'innovation. C'est pour ça que l'innovation est pire et plus dangereuse que la désobéissance. L'innovation est pire que les péchés et la désobéissance. Et Iblis aime fortement l'innovation plus que les péchés. Car là, c'est celui qui tombe dans une désobéissance, il le sent. Il y a toujours du remords à l'intérieur de lui. Il sait qu'il est laxiste, etc., qu'il a fait mal. Mais l'innovateur, lui, non. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le faux. وخرج ابن وهب عن ابن إدريس الخولاني أنه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. الله أكبر. انظر. ابن وهب Le rapport d'Abi Idris al-Khawlani, il dit que je vois un feu dans la mosquée que je ne peux pas éteindre. Que je ne peux pas éteindre est mieux pour moi que de voir une innovation que je ne peux pas changer. Regarde. Parce qu'ils savent le danger de l'innovation. Ils préfèrent voir du feu dans un coin de la mosquée qu'ils ne peuvent pas éteindre parce que qu'est-ce que ça va toucher? Le matériel. Que de voir une innovation, et l'innovation va ramener des ambiguïtés, qu'il ne peut pas changer, l'innovation va ramener des ambiguïtés dans les cœurs. Et ça, ce sont les paroles du Salaf, radhiyallahu anhu. C'est des règles, c'est des repères dans la voie. Fudayl ibn Iyad, a dit, rahmatullah, ittabi' turuq al-huda, wa la yadurruka qillat al-salikin, wa iyaka wa tariq al-dalala, wa la taghtar bi kathrat al-halikin. Allahu akbar. Fudayl ibn Iyad donne un conseil, ce qu'on dit, suis la voie de la guidée, suis la voie de la sunna, suis la voie de Salaf radhiyallahu anhu. Et ne te fais pas, ne te dis pas, on est peu nombreux. C'est normal que tu sois peu nombreux. C'est la véracité du hadith du prophète alayhi salam. Une petite faction de ma communauté sur la vérité. Donc, ne te sens pas étranger. Hein? Et fais attention au chemin de l'égarement, ne te fais pas avoir par le nombre. Ne te fais pas avoir, n'aie pas peur. Du peu de personnes qui suivent la sunna, n'aie pas peur d'être seul et ne te fais pas avoir avec le nombre. Maintenant, au moins les repères c'est quoi? Regarde les gens qui nous suivent. Subhanallah. Hein? Ayyub al-Sikhtiyani, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada min Allah bu'dan. Kullu hadhihi al-athar fi al-i'tisam 'inda ash-Shatibi rahmatullah. Ayyub al-Sikhtiyani te dit, par la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, chaque fois que l'innovateur fait des efforts dans son innovation, cela l'amène à être loin d'Allah Azza wa Jal. À être loin d'Allah Azza wa Jal. C'est tout à fait normal. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec des actes que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Abdullah ibn Mubarak قال اعلم اي اي اخي ان الموت كرامه لكل مسلم لقي الله على السنه فانا لله وانا اليه راجعون فالى الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقله الاعوان ماشي الاخوه المفلسون عندك اخوان على السنه هذا عبد الله بن مبارك في احسن القرون ذهاب الاخوان وقله الاعوان وظهور البدع والى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الامه من ذهاب العلماء واهل السنه وظهور البدع سير فوا نوتخ سيتياسيون مانتنو عبد الله بن مبارك كيس كيف هادي لو راى عبد الله بن مبارك ما نحن فيه الان ماذا سيقول عبد الله بن مبارك شاس فخير كو لا مور ايت اون نوبليس بور تو مسلمون est un bienfait pour tout musulman qui retrouve Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est sur la sunna. Et il dit, nous sommes à Allah et nous allons revenir à Allah azza wa jal et nous nous plaignons de notre solitude. Que les frères ne sont plus là. Pas les frères musulmans, les frères de la sunna. Abdullah Mubarak, il parle à une époque qui a reçu l'éloge min Allah azza wa jal. C'est les débuts des les meilleures générations de l'islam. Et il dit, nous sentons la solitude. Les frères sont partis. C'est-à-dire qu'ils sont morts et qu'il y a peu de personnes pour aider et que l'innovation fait son apparition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous plaignons de ce qui est arrivé à cette communauté, que ces savants soient partis, sont morts, que les gens de la sunna et que sont morts et que l'innovation est en train d'apparaître et de prendre la place. Ça, à son époque, il le dit. Qu'est-ce que nous allons dire, nous, maintenant hein? وهذا قاله الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه وهو متوفى في سنة 181 للهجرة وهو يعيش في أفضل القرون ويعيش في زمان لأئمة مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم فكيف لو عاش في عصرنا هذا صلى الله التبارك سيت باغول سيت إمام كومباتون كي عبد الله بن مبارك كي مور en 181 de l'Hijr alors qu'il vivait dans l'une des meilleures générations de l'islam. Il dit cette parole. Il vivait à l'époque de l'imam Malik, de l'Auza'i, de Thawri et d'autres. Comment s'il avait vécu avec nous? وكان إبراهيم تيمي يقول اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ في الخصومات. Regarde ce dua que faisait إبراهيم تيمي رحمة الله عليه. Il dit, Allah سبحانه وتعالى protège-moi avec ta religion et avec la sunna de ton prophète alayhi salatu wasalam, et de ne pas être en divergence avec la vérité et de ne pas suivre les passions et de ne pas suivre les chemins de l'égarement et protège-moi des ambiguïtés dans les situations et protège-moi de la déviation hein, dont quand je tombe en litige avec quelqu'un. ومن كلام عمر بن عبد العزيز الذي عني به وبحفظ العلماء وكان يعجب مالكا كثيرا جدا قوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا لا أخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وبئس المصير. Il fait partie des paroles, des nobles paroles de Omar ibn Abdel Aziz, que les hommes de science ont mémorisé, ils se sont équipés de ces paroles, et cette parole plaisait beaucoup à l'imam Malik, rahmatullah alayhi. Il disait, rahimahullah, Omar ibn Abdel Aziz, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait une sunna. Et les imams après lui, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi wa sallam, après lui, que ce soit Abu Bakr, Siddiq, Omar, etc., ont fait des chemins. Le fait de mettre en application la sunna du prophète et de ses compagnons, c'est prendre comme véridique le livre d'Allah Azza wa Jal et d'être complet dans l'obéissance à Allah. Et c'est une force dans la religion de la personne. Et il appartient à personne de le changer, c'est-à-dire de changer la sunna du prophète et de ses compagnons, et de regarder autre chose que la sunna du prophète et de ses compagnons. Et celui qui les met en application, il est guidé. Celui qui les fait triompher, il sera il aura le triomphe, et celui qui est en divergence avec, il aura suivi un autre chemin, que le chemin des croyants, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa fin sera l'enfer. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل لا يعرف ما مصيره إذا لقي الله عز وجل ابن وهب rapport d'Ibn Abbas رضي الله عنهما il a dit que celui qui voit une opinion qu'il émet une opinion et que c'est une opinion ni dans le livre d'Allah عز وجل ni dans la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام il ne sait pas la situation sur laquelle il va être quand il va retrouver Allah Azza wa Jalla. Il ne sait pas ce qui va lui arriver quand il va être devant Allah Azza wa Jalla. وعن أبي العالية رحمه الله قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرك ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله تعالى صدق ونصح خرجه ابن وضاح وغيره وكان مالك كثيرا ما ينشد وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع هذا كل هذه الآثار السلفية في الاعتصام عند الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. دوك أبو العالية de nous dire رحمة الله عليه apprenez l'islam. Et comme vous l'apprenez, nous ne vous détournez pas de l'islam. Et comprenez-vous, marchez sur la rectitude, sur la voie droite. Car c'est ça l'islam, c'est Sirat al-Mustaqim. Il nous dit viens ni à droite, ni à gauche. Et comprenez-vous à la sunna de votre prophète alayhi salatu salam. Et de la voie sur laquelle étaient ses compagnons. Et attention hein, aux passions. Car les passions jettent l'adversité et la haine entre les gens. Et regarde ce qui se passe sur le terrain. Comme si ces imams vivent avec nous. Et on a cité cette parole. Al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, il a dit, en parlant de Abu al-Aliya, il a dit vrai et il a conseillé. Et cette parole est rapportée par Ibn Muwaddah et d'autres. Et Malik, souvent il citait cette poésie, il disait, la meilleure des situations dans la religion, c'est ce qui est la sunna. Et le pire des situations, c'est les nouveautés. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovation. Et si tu veux encore plus de ces attards d'El Salaf, n'a qu'à te pencher sur le livre d'El Al-Tassam d'El Imam Shatibi rahmatullahi. فهذا البيت الذي قاله الإمام مالك شعار وقاعدة جليلة وعظيمة وخير أمور الدين ما كان سنة طريقة عليها محمد وصحبه الكرام وسلف هذه الأمة وشر الأمور المحدثات البدائع المحدثات جمع محدثة والبدائع المبتدعة يعني أمر المحدث مخترع ولا شك أن الحزبية بدعة وليست بسنة هل هذه الجماعات والفرق والأحزاب الموجودة على الساحة سنة لا والله ليست بسنة ولن تكون لأنها مخالفة ومتناقضة مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين فهي محدثات بدائع وليست من الدين في شيء Donc cette poésie de l'imam Malik رحمة الله عليه c'est une règle C'est une noble règle. La meilleure des choses dans la religion, c'est ce qui a été une sunna. C'est ce qui a été la voie de Mohammed alayhi salatu salam, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Hein? Et le pire des situations, ce sont tout ce qui est innové. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovation. Hein? Il n'y a aucun doute que les partis maintenant, c'est une innovation. Ces groupes et ces partis, c'est une innovation. Ce n'est pas une sunna. Tous ces groupes qui sont sur le terrain, tous ces partis qui sont sur le terrain maintenant, par Allah, ce n'est, ils ne sont pas dans la sunna. Ils ne font pas partie de la sunna. Ils ne peuvent pas faire partie de la sunna alors qu'ils sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Ils sont en divergence et en contradiction avec la sunna du prophète alayhi salam, avec la sunna des compagnons du prophète alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. Donc c'est une énorme innovation. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.